La journée se passa de cette sorte, à folâtrer avec la plus grande liberté et toujours avec la plus grande décence. Pas un seul mot équivoque, pas une seule plaisanterie hasardée. Et cette décence, nous ne nous l'imposions point du tout. Elle venait toute seule. Nous prenions le ton que nous donnaient nos cœurs. Enfin, ma modestie, d'autres diront ma sottise, fut telle que la plus grande privauté qui m'échappa fut de baiser une seule fois la main de Mademoiselle Galet. Il est vrai que la circonstance donnait du prix à cette légère faveur. Nous étions seuls. Je respirais avec embarras. Elle avait les yeux baissés. Ma bouche, au lieu de trouver des paroles, s'avisa de se coller sur sa main, qu'elle retira doucement après qu'elle fut baisée, en me regardant d'un air qui n'était point irrité. Je ne sais ce que j'aurais pu lui dire. Son ami entra et me parut laide en ce moment. Enfin, elles se souvinrent qu'il ne fallait pas attendre la nuit pour entrer en ville. Il ne nous restait que le temps qu'il fallait pour arriver de jour, et nous nous hâtâmes de partir en nous distribuant comme nous étions venus. Si j'avais osé, j'aurais transposé cet ordre, car le regard de Mademoiselle Galet m'avait vivement ému le cœur, mais je n'osais rien dire, et ce n'était pas à elle de le proposer. En marchant, nous disions que la journée avait tort de finir, mais, loin de nous plaindre qu'elle eût été courte, nous trouvâmes que nous avions eu le secret de la faire longue par tous les amusements dont nous avions su la remplir. Je l'ai quittée à peu près au même endroit où elle m'avait pris. Avec quel regret nous nous séparâmes, avec quel plaisir nous projetâmes de nous revoir. 12 heures passées ensemble nous valaient des siècles de familiarité. Le doux souvenir de cette journée ne coûtait rien à ces aimables filles. La tendre union qui régnait entre nous trois valait des plaisirs plus vifs et n'eût pu subsister avec eux. Nous nous aimions sans mystère et sans honte, et nous voulions nous aimer toujours ainsi. L'innocence des mœurs a sa volupté, qui vaut bien l'autre, parce qu'elle n'a point d'intervalle et qu'elle agit continuellement. Pour moi, je sais que la mémoire d'un si beau jour me touche plus, me charme plus, me revient plus au cœur que celle d'aucun plaisir que j'ai goûté en ma vie. Je ne savais pas trop bien ce que je voulais à ces deux charmantes personnes, mais elles m'intéressaient beaucoup, toutes deux. Je ne dis pas que si j'eusse été le maître de mes arrangements, mon cœur se serait partagé. J'y sentais un peu de préférence. J'aurais fait mon bonheur d'avoir pour maîtresse Mademoiselle de Graffenried, mais, à choix, je crois que je l'aurais mieux aimée pour confidente. Quoi qu'il en soit, il me semblait en les quittant que je ne pourrais plus vivre sans l'une et sans l'autre. Qui m'eût dit que je ne les reverrais de ma vie et que là finiraient nos éphémères amours? Ceux qui liront ceci ne manqueront pas de rire de mes aventures galantes, en remarquant qu'après beaucoup de préliminaires, les plus avancés finissent par baiser la main. Oh, mes lecteurs, ne vous y trompez pas, j'ai peut-être eu plus de plaisir dans mes amours en finissant par cette main baisée que vous n'en aurez jamais dans les vôtres, en commençant tout au moins par là.